Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gemozo 107 FM. Nous sommes le mercredi 10 mars 2021, il est un peu plus de 14h, il est 14h01 même. Nous sommes en direct, c'est Chris et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de votre émission quotidienne proposée par Radio Gemozo intitulée Fréquence Libre. Je rappelle rapidement le principe, il est très simple. Chaque lundi, chaque mardi et chaque mercredi, je reçois un ou une invitée pour qu'il ou elle puisse nous parler de ce qu'il ou elle fait, que ce soit au niveau du métier, des passions ou autre. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle édition, je reçois dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Remiremont Aurélien Herkel, qui est venu nous parler de son label Human, que l'on pourrait traduire, bien sûr, par humain en français. Bonjour Aurélien. Bonjour. Comment ça va? La vie est belle et vous? Voilà, ça va très bien, merci. Tout d'abord, nos auditeurs et nos auditrices, le savent, j'aime beaucoup poser cette question à mes invités, afin qu'ils et elles puissent déjà les connaître un petit peu. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors, je suis né à Épinal dans les Vosges, j'ai 45 ans. Et je suis parti maintenant, ça fait 22 ans de France et je suis revenu le 30 novembre 2020 pour développer ma société en France. D'accord. Donc Human, ça a été créé avant 2020 du coup ? Human a été créé sous une forme associative en 2016 depuis la Belgique. D'accord. Et j'ai décidé, avec tout ce qui se passe en ce moment, de développer plutôt une société qui va permettre de se développer à l'international. Et comme je dis toujours, je crois vraiment à la puissance du territoire. C'est pour ça que je suis revenu aux fondations mêmes qui sont les Vosges pour moi, dont Épinal, et puis pour pouvoir le présenter à divers interlocuteurs, qu'ils soient publics ou privés, et de développer Human déjà sur le territoire, en plus par la suite sur le national et l'international dans un deuxième temps. D'accord. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, vu qu'on va approfondir pendant toute une heure, donc jusqu'à 15h, pouvez-vous décrire en quelques mots, dans les grandes lignes, ce qu'est le label Human? Tout à fait. Donc, lorsque je travaillais, j'ai commencé ma carrière professionnelle chez Tran. Bon, tout le monde connaît la société Tran. J'ai eu l'opportunité donc de travailler en job d'été en 1998, puis de proposer mon CV pour partir en Angleterre. À cette époque-là, je n'avais pas de diplôme, que le baccalauréat. D'accord. Et je pars du constat que actuellement, le diplôme n'est plus un sésame pour l'avenir. C'est-à-dire que ce n'est pas... Alors, lorsque je fais des conférences dans les écoles de management, les écoles de commerce, j'explique que le meilleur moyen d'avoir un métier, c'est d'avoir un diplôme. Mais en parallèle, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de diplôme qu'on ne peut pas réussir dans la vie. D'accord. Donc, je suis parti très, très tôt vivre donc en Angleterre. Au départ, je me destinais à une carrière de footballeur professionnel, donc sport-études. À Épinal, à l'époque, mon entraîneur s'appelait Pierre Plemending. Et puis un jour, on m'a dit que je serais jamais professionnel, et c'est ce que je veux faire passer aux jeunes actuellement comme message également, c'est n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Mm-hmm. Écoutez votre instinct, écoutez ce que vous avez envie de faire et donnez-vous à fond pour cela. N'écoutez pas ce qu'on peut vous dire. Et je parle aux jeunes, mais aussi aux adultes. Hein. Et donc j'ai commencé ma carrière donc chez Tran en Angleterre. Suite à ça, j'ai eu l'occasion de parcourir le monde. J'ai habité dans différents pays comme l'Angleterre, les Pays-Bas. J'ai passé beaucoup de temps au Japon, aux États-Unis aussi. Et puis, en 2001, j'ai un collègue, cinquantaine d'années, qui est décédé à mes côtés alors que j'étais basé à Bruxelles. D'accord. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a été le premier choc dans ma vie, dans le sens où lorsque j'allais à l'école, mes professeurs me disaient « Aurélien, tu vas travailler dur ». Tu vas fonder une famille, tu vas avoir un métier, tu vas avoir une maison, tu vas partir en vacances. Mais personne m'avait dit qu'on pouvait souffrir au travail et encore moins mourir au travail. Et c'est encore à l'heure actuelle quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Qu'on puisse non seulement souffrir, ça c'est une chose, mais encore moins mourir au travail. Donc le deuxième élément, c'est 2007-2008. On a eu la crise des subprimes, qui a été une secousse phénoménale en Europe. Et il y a une troisième secousse qui nous guette, c'est pas le Covid, mais on en parle très très peu, c'est le non-remboursement des prêts des étudiants américains. On en parle très très peu, mais ça peut être une secousse fois 1000 par rapport au subprime. Bon, tout ça pour venir 2007-2008, je me suis aperçu que l'Europe était beaucoup trop dépendante des États-Unis. Et encore actuellement, j'adore les États-Unis, hein, j'y suis allé, j'ai passé beaucoup de temps là-bas, mais je n'adule pas les États-Unis. D'accord. Donc faut bien faire la différence, j'aime les États-Unis, mais je n'adule pas leur système. Et donc je me suis aperçu que l'Europe n'était pas dotée d'outils qui permettaient de contrer la méga puissance américaine. D'accord. J'ai commencé à m'intéresser à 2012-2013 à ce qu'on appelle le bien-être au travail. Et encore une fois, on est arrivé en 2012-2013 avec des labels américains et des pseudo-systèmes de bonheur au travail et tout ce qui s'ensuit. Donc tout du cosmétique et du marketing. Donc j'ai commencé à m'intéresser, on a commencé à avoir des statistiques du mal-être au travail en 2012-2013. Et le dernier élément, et je vais poser une question, Chris, et oui. À nos auditeurs, nos auditrices, c'est à votre avis, quel est le dernier projet fédérateur et visionnaire qui fonctionne encore actuellement que l'Europe a proposé à ses citoyens européens et que aucun État membre ne remet en cause à l'heure actuelle? Le dernier, en date. C'est une bonne question. Voilà. Mais c'est Erasmus. D'accord. Okay. Erasmus a 34 ans. Et ça fait 34 ans que l'Europe n'a pas proposé des projets fédérateurs et visionnaires à ses citoyens européens. Donc je me suis dit, avec toutes les analyses que j'ai faites, il faut proposer des projets d'avenir visionnaires et qui puissent allier économie, mais également pallier à la souffrance au travail. Parce qu'il faut savoir que selon l'Institut Sapiens, une étude qui a été proposée en 2018, le coût de l'absentéisme en France, donc coût direct, indirect, est de 108 milliards d'euros. D'accord. Ah oui. Je crois qu'on peut travailler là-dessus. D'accord. Donc justement, ce label Human que vous avez créé, est-ce que vous l'avez créé pour faciliter, pour adoucir les conditions de travail de chacune et chacun et pour que chacune et chacun puisse s'épanouir au travail? Alors justement, c'est une bonne question. Je parle d'épanouissement au travail et non pas bonheur. Parce que pour moi, le bonheur est un sentiment intrinsèque lié à l'individu, qui ne dépend pas de facteurs extérieurs. D'accord. Je suis heureux ou je suis malheureux. En même temps, on est dans une société actuellement, et je le constate, d'infantilisation, alors qu'on doit revenir à une société de responsabilisation. Ce n'est pas à l'entreprise de rendre ses salariés heureux ou malheureux. D'accord. Mm-hmm. Là, on a beaucoup de discours actuellement, trouver un sens au travail. Moi, je trouve que c'est à l'entreprise de faciliter l'épanouissement. Mais il y a une partie du travailleur aussi. On doit se retrouver une question d'équilibre. Et Human est une question d'équilibre. C'est-à-dire que je pense que l'entreprise doit mettre en place toutes les structures pour que chacun et chacune puisse s'épanouir. Mais il y a aussi un travail individuel de savoir comment moi je m'inscris dans mon travail. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça ne me plaît pas? Dans quelle mesure je prépare mon avenir? Mais ça, ce n'est pas à l'entreprise de le faire, c'est à l'individu. On doit revenir à une responsabilisation de l'individu sur ce qu'il ou elle veut pour son avenir. C'est vrai, parce que c'est vrai que même dans la vie de tous les jours, l'être humain, le travailleur, il a toujours, je trouve, tendance à compter sur les autres pour son propre épanouissement, son propre bonheur, alors que ça commence tout d'abord par soi-même et non pas par les autres. C'est tout à fait par soi-même. Je décide. Alors, on a tous des incidents de vie. Hein. Bien sûr. J'en suis la preuve vivante tous les jours, le quotidien. C'est ça la vie d'un entrepreneur. Mais quelque part, il nous faut une vision. L'entreprise doit avoir sa propre vision, mais l'individu doit avoir sa propre vision également pour sa propre vie. Je dis toujours que le succès individuel dépend des sacrifices que nous sommes prêts à mettre en place pour notre vie, pour atteindre nos objectifs. D'accord. Voilà. Ok. D'ailleurs, est-ce que tout le monde peut bénéficier du label Human, que ce soit des entreprises, des associations, des TPE, des PME, des GE, voire des TGE? Tout à fait. Alors, j'ai construit Human pour qu'il soit applicable à tous les domaines. D'accord. Donc, public comme privé. Sachant que sur les 10 principes, on pourra en parler plus tard, sur les 10 principes, il suffit d'en remplir 5. Et de manière éthique et transparente, il y aura un cabinet d'audit externe qui viendra évaluer selon le référentiel d'audit si l'entreprise ou l'institution ou l'organisation a rempli les devoirs par rapport aux 5 principes et le label est octroyé pour 2 ans. D'accord. Mais il est applicable à toutes les structures de toutes les organisations. D'accord. Donc, justement, pour bénéficier de ce label Human, il y a des conditions, et ces conditions, c'est les principes dont vous parlez? Oui. Les principes que j'ai décrits dans le livre Human, promesse d'une croissance réussie, qui est paru en 2018 aux éditions La Renaissance du Livre, mm-hmm. qu'on peut trouver maintenant, qu'on peut commander sur Fnac, Cultura, Amazon. Voilà. Ok. Et qui a été préfacé justement par M. Louis Michel, qui est ex-commissaire européen, ministre d'État en Belgique, parce que je résidais en Belgique à l'époque, et qui est le papa de l'actuel président du Conseil européen. D'accord. Donc voilà, les 10 principes sont très très simples. Hein. Ils sont basés sur 3 piliers qui pour moi sont fondamentaux, qui sont la cohésion sociale dans l'entreprise, d'accord, la parité homme-femme, mm-hmm. mais également l'inclusion. Lorsque je parle d'inclusion, et on en parlait au préalable, c'est pour moi, je mets un point d'honneur à ce que les entreprises puissent recruter des personnes sans diplôme. Parce que je pense que les personnes sans diplôme, et on le voit notamment avec des chiffres criants au niveau de l'Europe, ce qu'on appelle en anglais les NEET, donc Not Educated, Employed or Trained, donc des gens qui sont sortis, des jeunes sont sortis du système scolaire. D'accord. Mais moi, je le voyais déjà il y a 25 ans, c'est-à-dire que quand j'étais étudiant, je voyais des gens qui avaient des collègues, enfin des camarades étudiants qui n'arrivaient déjà pas à se nourrir. Et là, on le voit actuellement, on a des étudiants qui arrivent à peine à se nourrir avec 3 euros par jour. Mm-hmm. Donc, soit ils vont chercher un travail, mais ils ne peuvent pas poursuivre dans leurs études. Donc, c'est ce que je dis dans les institutions ou quand je fais des présentations. Tout le monde n'a pas envie de faire de longues études. Ça arrive. Tout le monde n'a pas peut-être les capacités de faire de longues études. D'accord ? Mm-hmm. Tout le monde, on le voit de plus en plus actuellement, n'a pas les moyens de faire de longues études. C'est vrai. D'accord ? Mais tout le monde doit avoir les moyens de réussir dans la vie. Mmh. Je mets un point d'honneur à ce que ce n'est pas parce qu'on a, encore une fois, je le dis, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de diplôme qu'on n'a pas de valeur. D'accord. Et les entreprises, les organisations doivent comprendre cela. Surtout que quelqu'un qui n'a pas de diplôme peut faire du aussi bon boulot que quelqu'un qui a du diplôme. Alors, c'est deux choses différentes. Je pense que le diplôme est bon parce qu'il peut apporter une certaine compétence, une certaine technicité. Mm-hmm. Mais par exemple, si j'avais eu un MBA il y a 25 ans, il n'a plus aucune valeur actuelle. Ça change tellement les techniques de vente, les techniques de commercialisation, les techniques de management changent tellement, évoluent. Par contre, je pense, j'ai foi en l'être humain et je pense que l'être humain a une capacité d'apprendre exceptionnelle. Comme je dis toujours, la plus grande intelligence de l'être humain, c'est sa capacité d'adaptation. Ce n'est pas son diplôme. D'accord, ok. Donc, d'ailleurs, avant de créer le label Human et donc d'écrire l'ouvrage éponyme Human, promesse d'une croissance réussie, vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, mais quel a été votre parcours scolaire? Quelles études avez-vous faites? Alors, j'ai commencé, donc j'étais au lycée, donc j'étais déjà en sport-études, bon, j'étais à l'école de la Vierge, à Épinal. Mm-hmm. Suite à ça, le collège, j'étais à Claude Gelée. Mm-hmm. Non, Clémenceau, collège Clémenceau, j'ai suivi un parcours pour terminer avec sport-études. Ensuite, Claude Gelée et un bac B. D'accord. Parce que j'ai toujours aimé l'économie. Suite à ça, je ne savais vraiment pas quoi faire. C'est pour ça que maintenant, j'essaie de voir pour faire des conférences dans les collèges et les lycées. Parce qu'on vous demande à 15 ans ce que vous voulez faire dans votre vie. Mais le monde évolue tellement qu'on a une idée préconçue à 25 ans. Mais maintenant, à 25 ans, on change. On a peut-être d'autres envies. Donc c'est pour montrer aussi aux jeunes actuels que... comme je dis toujours, c'est une phrase que me disait ma maman quand j'étais petit, c'est que pourquoi se contenter d'une vie quand on peut en avoir plusieurs? C'est pas grave. Mm-hmm. À 25 ans, on se destine à une idée, on veut être comptable, mais peut-être qu'à 35, on veut être violoniste, et peut-être qu'à 40, on veut faire de digital. C'est pas grave en soi, le tout, c'est de trouver son propre bonheur, sa propre source d'épanouissement, parmi tant d'autres. Donc j'étais au lycée Claude Gelée. Et puis je me suis dit, j'avais envie de parler anglais, j'avais envie de voyager, donc j'ai essayé de faire une fac d'anglais. Je dis bien j'ai essayé parce que je n'ai pas eu de diplôme. D'accord. Et puis le hasard n'existe pas. En 98, j'ai eu l'occasion de rentrer donc, chez Tran à Charmes, travailler dans la logistique, et puis pendant 2 mois, et puis le troisième mois... j'ai eu un email qui est tombé. Il n'y avait plus personne pour faire le lien entre les bureaux anglais, les usines vosgiennes, donc Charmes et Golbey. J'ai envoyé mon CV et suite à ça, voilà, je suis parti travailler à Basingstoke pour Tran, donc en Angleterre, pendant 1 an et demi. Au départ, c'était un CDD, puis on m'a proposé un CDI. Je me suis dit, tu ne retourneras plus jamais à l'école. Tu vas faire ta carrière. Mm-hmm. Suite à ça, en Angleterre, je me sentais pas très très à l'aise. Donc, au bout d'un an et demi. J'ai eu l'occasion de partir chez Tran aux Pays-Bas, donc à Hoofddorp, à côté d'Amsterdam. Et puis, je voulais faire du marketing et de la vente, donc je me suis retrouvé avec des écouteurs sur la tête à répondre aux gens sur des termes techniques. Au bout de 3 semaines, je me suis dit, ça me convient pas. D'accord. Et c'est là que je suis rentré en finance. Au bout d'un an et demi, mon manager européen m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? J'avais envie de voyager, j'avais rencontré des auditeurs, je suis devenu auditeur interne. Et puis voilà, le chemin faisant, je me suis retrouvé... donc à voyager 100% du temps sur l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient. L'entreprise s'est restructurée, je me suis retrouvé à Bruxelles. Après Bruxelles, pendant 1 an, j'ai travaillé pour un groupe qui s'appelle Ingersoll Rand, qui a racheté Tran à une époque. D'accord. Et là, j'ai voyagé dans le monde entier. Donc j'ai passé beaucoup de temps au Japon, aux États-Unis. Et puis au bout de 2 ans, vraiment, j'en pouvais plus. Voyager tout le temps comme ça avait vraiment un impact à tous les niveaux. Et là, j'ai travaillé donc en tant que responsable anti-blanchiment d'argent chez Mastercard, où je ne voyageais plus. Donc, j'ai 3 ans sédentaire. Mmh. Et puis, voilà, je vous explique mon parcours brièvement. C'est qu'après, je voulais vraiment de l'éthique. Je travaillais dans le monde de l'industrie, dans le monde bancaire, des cartes de crédit. Je voulais travailler dans une entreprise qui fabriquait des produits pour que les gens vivent plus longtemps en famille. Donc, d'une manière éthique, j'ai travaillé chez Saint-Jude Médical. Donc responsable anticorruption sur l'Europe. Et au bout d'un an et demi, j'avais fait le tour. Je me suis posé une question, mais qu'est-ce que tu veux faire, Aurélien ? Et là, alors ça va peut-être vous faire rire, mais j'ai embrassé une carrière d'apprenti humoriste. D'accord. Donc depuis Bruxelles, où j'allais faire des scènes ouvertes à Paris aussi. Pendant 3 ans, j'ai rencontré des gens formidables, mais c'est pas un milieu qui me plaisait. Et en 2014, je suis reparti à zéro. C'est pour ça que je vous dis, on peut avoir plusieurs vies, il ne faut pas avoir peur. La capacité d'adaptation, c'est le plus important dans la vie. Je suis reparti en tant qu'intérimaire dans les institutions européennes. Mm-hmm. Donc voilà, à faire des photocopies. Voilà, il n'y a pas de saut métier, j'avais besoin de travailler. Au bout de 3 ans, je suis rentré contractuel à la Commission européenne. D'accord. Et c'était à ce moment-là, en 2016, que j'ai créé Human en parallèle. Et à partir de 1er janvier 2020, j'ai tout arrêté. Je me suis dédié totalement à Human. J'ai trouvé ma mission de vie. J'ai trouvé ce pourquoi je suis là. C'est pour aider les entreprises à grandir. On en parlera plus tard. Mais surtout, je pense que le capital humain, c'est ce qui va aider les entreprises à grandir. D'accord. Voilà. Bah, très bien, donc il est 14h17, avant de poursuivre, je vous propose que nous nous lançons tout de suite dans une première fréquence, dans un premier son, comme j'aime à l'appeler, et que nous écoutons une chanson que vous avez choisie, car ici à Radio Guémozo, on laisse toujours nos invités choisir les pauses musicales pour que les émissions leur correspondent au mieux, et donc que nous écoutons la chanson pop de Marvin Gaye en duo avec Tammy Terrell, datant de 1967, et tirée de l'album United. Et la chanson est intitulée Ain't No Mountain High Enough. Est-ce que ça vous va qu'on écoute ça ? C'est parfait. Alors, on écoute cette chanson et on se retrouve juste après, d'ici un peu plus de 2 minutes. Donc, à tout de suite sur Radio Guémozo pour la suite de cette émission. Listen, baby, ain't no mountain high. Ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby. Just call my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. Oh, baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you. retour sur Radio Gemozo. Il est 14h20. Vous êtes toujours en direct sur le 107 FM ou sur nos applications Radio Line ou Orange Radio. D'où, grâce à ces applications, vous pouvez nous écouter partout en France, partout dans le monde. C'est la magie des applications. Donc, vous venez d'écouter Marvin Gaye en duo avec Tammy Terrell et leur titre Ain't No Mountain High Enough. Vous nous écoutez peut-être chez vous, au travail ou encore sur la route. Si c'est le cas, évidemment, soyez prudents. Nous sommes toujours en compagnie dans nos studios de Aurélien Erkel, qui est venu nous parler de son label appelé Human. Ça va toujours ? La vie est belle. Eh ben nickel. Oui, donc comme on disait, donc, même cette chanson, donc, Ain't No Mountain High Enough, ça, il y a également une notion dans cette chanson de rien n'est impossible à surmonter. Vous savez, ça a toujours été comme ça dans ma vie depuis que je suis tout petit. J'ai eu un parcours, comme je vous le dis, très atypique. Mm-hmm. Et ma maman a été une source d'espoir. Elle l'est toujours actuellement. Et elle m'a toujours dit, si on n'arrive pas à te mettre dans un tiroir, c'est parce que tu es peut-être la commode à toi tout seul. Et en fait, les propres limites qu'on peut avoir dans sa vie, ce sont les propres limites qu'on se donne nous-mêmes. Que ce soit au niveau de la société, de l'entreprise, de l'État... Il n'y a aucune limite dans la vie si c'est nos propres limites. Et c'est pourquoi je suis revenu en France. C'est pour délivrer un autre message d'espoir également, à travers les écoles, dans les entreprises, que ce n'est pas parce qu'on nous dit de faire ça que c'est impossible. C'est incroyable. Je voudrais sortir de cette morosité et de faire montrer qu'on peut être d'Épinal, sans réseau, sans diplôme, et bâtir une entreprise à vocation mondiale. C'est possible. Nos jeunes, si on ne fait rien pour eux, ils vont quitter le territoire. Ce que je veux montrer également, c'est que les Vosges ne sont pas juste un département où on vient pour l'écologie. C'est une terre où il y a de l'intelligence, il y a des financements. Et je voudrais attirer des entreprises et surtout garder nos jeunes qui ont de grandes valeurs. C'est D'accord. pour ça que je suis là aussi. Ok, donc c'est vraiment le message que vous voulez faire passer et c'est vraiment pour ça que vous avez choisi cette chanson de Marvin Gaye ? Rien n'est impossible. En plus, voilà, on n'est pas obligé de comprendre toujours ce qu'ils disent, mais, ou de parler anglais, forcément. Mais je trouve que lorsqu'on écoute ces chansons dès le matin, en sortie de la douche, ça fait vraiment du bien. Oui, ça met de bonne humeur. Donc, nous en parlions. Donc, Human, c'est donc un label, et donc c'est également un ouvrage. Donc, est-ce que cet ouvrage, donc Human Prowess, j'ai perdu le titre, excusez-moi. Promesse d'une croissance réussie. Voilà. Est-ce que vous l'avez écrit avant ou après avoir créé le label Human, ou est-ce que vous avez fait tout en même temps ? J'ai créé la structure non lucrative en Belgique en 2016. J'ai commencé à écrire le livre en 2017 et il est paru en 2018. D'accord. Il me paraissait essentiel de pouvoir expliquer d'où venaient les 10 principes Human. Mmh. D'accord. D'une manière beaucoup plus concise dans un livre. Qui n'est pas un livre économique avec 80 000 pages de statistiques, justement. J'ai voulu écrire un livre comme moi je suis, c'est-à-dire que c'est un livre qu'on peut lire à la maison, qu'on peut lire au travail si on a le temps, qu'on peut lire en vacances. Il est accessible autant au PDG qu'à toute personne qui désire lire un ouvrage. J'ai voulu l'écrire comme pour moi, il est accessible. Voilà. Mais en même temps, il donne un peu plus de détails du pourquoi, du comment. Mmh. Des principes Human et les 5 principes à respecter. Donc voilà. D'accord, donc cet ouvrage, c'est vraiment, il a vraiment une dimension développement personnel à l'intérieur. Pas vraiment. Je fais très attention, je suis très, très cautionneux avec tout ce qui est en marge ou tout ce qui touche au développement personnel. Non, il décrit vraiment les principes d'application et comment les mettre en place. Par contre, je ne toucherai jamais au développement personnel dans le sens où le titre le comporte, c'est personnel. C'est-à-dire que mon parcours peut inspirer certaines personnes, mais ce que j'ai fait pour en arriver là, c'est je le dois à moi, je le dois à mes recherches, je dois à mon travail sur moi-même. On a tous des parcours et des envies différentes, un emploi du temps différent. Je ne dirai jamais à qui que ce soit... Fais ce que j'ai fait et tu verras, ça t'arrivera. On a tous des perceptions différentes, on a un âge différent, on a une culture différente. Moi, je vous le dis, j'ai voyagé dans le monde entier, donc ce qui me plaît à moi ne plaira peut-être pas à une autre personne. D'accord. Je ne dirai jamais à une personne de suivre mon exemple. Par contre, simplement de dire que rien n'est impossible, c'est déjà un bon début. Ok. Donc, le monde dans lequel on vit aujourd'hui est plutôt compliqué, je pense qu'on peut le dire. Donc, est-ce que le fait de créer ce label unique en son genre, Human, avait un but avait pour but d'éliminer, ou au pire des cas, de réduire les conditions parfois compliquées dans lesquelles certaines personnes travaillent, en quelque sorte de limiter la casse. Le but est de créer un équilibre, parce qu'il faut bien comprendre que même si on est en train d'infantiliser la société, qu'on a des responsables du bonheur au travail, on met des baby-foot, on met des toboggans, on fait des pauses café, tout ça est un leurre. C'est-à-dire qu'on doit avoir une notion d'équilibre. Il faut bien comprendre, là on va parler des sociétés privées, il faut bien comprendre que la première vocation d'une société privée, c'est de créer de la richesse. Ça, il faut bien se l'ancrer en tête, qu'une entreprise privée, si elle ne crée pas de richesse, elle ne peut pas créer des bonnes conditions de travail, elle ne peut pas recruter. D'accord ? Maintenant, je pense que l'entreprise pourra créer autant de richesse dans le futur en baissant son taux d'absentéisme, en baissant son taux de rotation, et elle va gagner en taux d'attractivité. D'accord. Parce qu'on parle beaucoup actuellement des... Alors moi, vous savez, je lis beaucoup, je me renseigne, je fais beaucoup de conférences. J'entends beaucoup de gens qui parlent à la place des jeunes. Oui, mais vous savez, les générations X, Z, Y, W, 28Z, tout ça, moi, je m'en moque totalement. Ce qui m'intéresse, c'est l'individu. Et lorsque je discute avec des étudiants en Master 2 ou même dans les lycées, vous savez ce qui en ressort ? La première chose, c'est qu'ils me disent, Aurélien, c'est les entreprises à le label Human, nous, on a envie d'aller travailler chez eux. Et je leur demande pourquoi. Ils me disent, parce qu'on parle à notre place. Nous, on ne veut pas forcément changer d'entreprise. On veut travailler dans une entreprise qui pratique en interne ce qu'elle prône à l'externe. Et ce n'est pas forcément le salaire. On veut des entreprises qui n'ont pas qu'un but commercial, mais également un rôle sociétal. D'accord. On veut s'inscrire sur le long terme dans une entreprise qui puisse nous garantir qu'on soit respecté, valorisé. D'accord. Et non pas sur des effets marketing. Donc je dis aux entreprises en parallèle, le facteur de compétitivité ultime pour les 30 prochaines années, ce ne sera pas l'intelligence artificielle. Ça va être ce que j'appelle en anglais le talent retention, ou comment les entreprises vont pouvoir garder sur le long terme leurs employés, et comment attirer des jeunes qui sortent diplômés ou non diplômés. Mais comment est-ce qu'on va les attirer? Et on va les attirer avec des valeurs, mais surtout comment est-ce qu'on pratique ces valeurs à l'interne? Parce que d'une façon cosmétique, je connais beaucoup d'entreprises qui ont ces valeurs-là, qui communiquent vraiment de manière magistrale sur les réseaux sociaux. Au bout de 6 mois, les jeunes y partent. Ce sont des machines à broyer à l'intérieur. Et maintenant, avec la puissance des réseaux sociaux, on sait très bien qu'une entreprise qui ne pratique pas à l'interne ce qu'elle prône à l'externe, ça va être d'autant plus dévastateur pour eux. On le voit très très bien avec le greenwashing, avec l'écologie. Bien sûr. Beaucoup d'entreprises communiquent, mais on ne sait pas vraiment ce qu'elles font. Par contre, avec l'humain, avec Human en tout cas, je veux garantir qu'il n'y aura pas de human washing. Ok. Donc justement, grâce à ce label Human, vous voulez vraiment, vous l'avez déjà dit, mettre l'humain au centre de votre label. Donc est-ce que c'est là aussi une façon de dénoncer, entre guillemets, le fait que de plus en plus souvent, les machines remplacent les humains au travail ? Ça, c'est indéniable, et on n'en reviendra pas, on ne viendra pas en arrière. Hein. Je vais faire une analogie. Hein. Je veux dire, ceux qui me disent qu'on peut revenir en arrière, c'est aussi hypocrite que lorsque Donald Trump parlait d'écologie. Donc, on ne viendra pas en arrière. Il faut suivre l'évolution. Par contre, je pars du constat qu'à partir du moment où il restera 2 êtres humains en entreprise, on aura besoin d'humanisation du travail. D'accord. L'être humain est complexe, mais il évolue. D'accord ? Ce que ne pourra jamais faire une machine. Elle évoluera au terme des algorithmes. Et qui crée les algorithmes, ce sont les humains. Bien sûr. Et je pense que la machine doit rester au service de l'homme et non l'inverse. Maintenant, voilà, je fais très attention lorsque... Voilà, c'est normal hein, ce que vous dites, l'humain au cœur, au centre. Mm-hmm. Non, je pense que d'une façon en équilibre, comme je disais tout à l'heure, l'entreprise doit tout mettre en place pour que l'employé puisse s'épanouir au travail. D'accord ? Mais il y a une part de responsabilité de l'employé à se mettre au service de l'institution. Bien sûr. On ne peut plus attendre de l'État ou que l'entreprise fasse tout pour nous. On a une part de responsabilité à ce niveau-là aussi. Donc, l'humain au cœur, oui, voilà, c'est des mots bateaux. Hein. Moi, je mets l'humain au service de l'institution, mais que l'institution puisse rétribuer aussi la valeur travail. On doit revenir aussi un système, je parlais tout à l'heure d'infantilisation, c'est pour ça que je vais dans les écoles aussi, c'est revenir à réintégrer la valeur travail parce que on est en étau entre la Chine et les États-Unis. Et ce qui va faire notre force en France et en Europe, c'est de remettre la valeur travail au centre des préoccupations des entreprises. D'accord. Et des salariés. D'accord, oui, donc il y a vraiment un modèle, une stratégie gagnant-gagnant. Mais on ne peut y arriver. On ne pourra que contrer la Chine et les États-Unis qu'en ayant un système gagnant-gagnant, en travaillant ensemble. C'est pour ça que j'essaie d'alerter aussi le patronat et les partenaires sociaux. C'est-à-dire qu'on doit arriver à un système où on arrive à trouver un accord ensemble entre le patronat et les partenaires sociaux, un système d'équilibre où l'employé se donne pour l'entreprise et l'entreprise redonne à l'employé. C'est par ce système d'équilibre qu'on arrivera à redevenir compétitif et notamment par l'humanisation du travail. D'accord. D'ailleurs, nous l'avons également dit un peu plus tôt dans cette émission, votre label s'appelle Human, oui. Qui veut dire humain en français, mais vous l'écrivez avec un trait d'union entre le you et le man. Oui. Et je crois savoir d'ailleurs, en faisant mes petites recherches en amont de cette émission, que ce petit trait d'union cache en réalité un jeu de mots que vous avez voulu faire. Oui, entre humanity et mankind. Entre l'humanité et l'homme. C'est-à-dire que c'est l'homme au service de l'humanité. H-U-M-A-N. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, en tout cas, doit se faire, comme je dis toujours, chacun a sa pierre à apporter à l'édifice. Et donc c'est l'homme au service de l'humanité. Human. Ok. Donc vous l'avez également dit, votre label Human est aussi ici pour encourager la parité des genres et la parité salariale, car ce n'est malheureusement plus un secret. Dans certaines entreprises, parfois même de renom, la parité des genres et la parité salariale ne sont pas toujours présentes. J'en parle depuis 5 ans, j'ai alerté le gouvernement là-dessus, sans réponse encore à l'heure actuelle. Et ce que je constate actuellement, c'est qu'on commence on veut mettre une loi sur l'égalité salariale. Je sais que certaines personnes du gouvernement ont lu mon ouvrage, et c'est très bien qu'on puisse évoluer. Maintenant, comme je le dis dans le livre, François Jouraud le disait, la féminité n'est pas une compétence, mais ce n'est pas non plus une incompétence. D'accord. Maintenant, on doit arriver à un système où je ne comprends pas qu'à diplôme égaux à compétences égales, une femme gagne moins qu'un homme. Ce n'est pas normal. C'est de ce dont ça je parle dans l'ouvrage, c'est-à-dire que maintenant on doit arriver à une société où on puisse avoir également des femmes qui ont des carrières, qui ont également des rôles de dirigeants d'entreprise, que ce soit dans les COMEX, que ce soit les conseils d'administration. Mais pour cela, nous avons besoin de ce qu'on appelle en anglais de role models, donc des femmes inspirantes. Mais on parle beaucoup de femmes inspirantes. Mais moi, ce que je veux faire, c'est revenir en amont. Pour avoir étudié sur ce point et pour faire des conférences encore dans les écoles, on s'aperçoit également qu'il y a un rôle éducatif. Beaucoup de jeunes femmes, parce qu'on ne dit plus mademoiselle maintenant, je me suis fait reprendre la dernière fois, donc même si c'était un autre temps, les jeunes femmes... Voilà, on leur dit, vous avez le droit d'avoir des carrières. Et je les pousserai à avoir des carrières. Mais une fois qu'elles arrivent sur le marché du travail, qu'elles sont, voilà, qu'elles arrivent à être maman, qu'elles sont en stade d'être maman, femme, beaucoup de jeunes femmes qui veulent avoir des carrières se freinent elles-mêmes. Or, il faut débloquer ces choses-là. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir leur dire que ce n'est pas parce que vous êtes maman ou vous êtes mariée que vous ne pouvez pas avoir une carrière, une grande carrière. Mais pour ça aussi, il y a un travail au niveau des hommes à faire. C'est qu'il faut comprendre que certains hommes peuvent aussi se mettre en retrait pour laisser place à la carrière de leur femme. Bien sûr. Donc voilà, c'est un projet sociétal. Moi, si je rencontre ma femme demain, elle me dit « je veux être PDG de mon entreprise avec tant de salariés, tant de chiffres d'affaires dans 10 ans », eh bien, on trouvera un compromis pour qu'elle puisse le faire et je mettrai toute mon énergie pour qu'elle puisse le faire. D'accord. En faisant également mes recherches, donc en amont de cette émission, j'ai lu que vous dites que votre label Human n'a ni frontière temporelle, ni frontière d'espace. Qu'il n'a tout simplement aucune frontière pour faire plus court. Donc que voulez-vous dire par là ? Ce que je veux dire, c'est que le label, bon, je suis actuellement, je développe dans les Vosges, sur les sillons lorrains, bientôt sur le Grand Est, je l'espère en tout cas, sur le territoire national. Ensuite sur l'Europe et voire mondiale. C'est-à-dire que suite à mon expérience professionnelle, je me suis aperçu qu'en fait, le monde est un terrain de jeu. Je vais vous donner un exemple et c'est ce que je cite également ou ce que je donne comme exemple aux étudiants lorsque je fais des conférences. Aux États-Unis, lorsqu'on crée un produit, on le crée pour minimum entre, je ne sais plus si c'est 260 ou 300 millions d'habitants. D'accord ? D'accord. Lorsqu'on crée un projet en France, on le crée pour 60 millions d'habitants. Donc ça restreint la perspective. Je dis actuellement aux jeunes, ou aux moins jeunes qui veulent créer une entreprise, arrêtez ces barrières. enlever ces barrières. Lorsque vous créez un produit, avec la digitalisation en plus actuellement, créez un produit pour le monde entier. Votre stratégie sera différente, vos visions seront différentes, mais également, vous enlevez des barrières. Mmh. Et intemporel, c'est parce que le label est évolutif. C'est-à-dire que pour l'instant, les 10 principes proposés représentent les mots MAUX de la société. Mais au fur et à mesure du temps, il y aura d'autres principes qu'on mettra en place, que les entreprises devront mettre en place pour refléter les problèmes de la société actuelle. D'accord. Oui, donc ce label Human, cette stratégie n'est pas gravée dans le marbre. Elle non. est toujours en évolution constante. Elle est en évolution, elle est liée à la société. Elle évoluera avec la société. D'accord. D'ailleurs, comment expliquez-vous que, de plus en plus souvent, des personnes font ce qu'on appelle un burn-out au travail ? Est-ce la faute à pas de chance ou y a-t-il, d'après vous, un réel problème en interne ? Je fais très attention avec le mot burn-out. Voilà, je suis entrepreneur maintenant. Mm-hmm. J'ai été salarié pendant des années. J'ai rencontré beaucoup de collègues qui se déclaraient en burn-out, mais c'était une dépression. C'est-à-dire que je crois qu'il faut faire très attention. Je pense, alors ça ne regarde que moi, hein, je pense que le travail est un facteur aggravant, mais pas déclencheur du burn-out. D'accord. Dans beaucoup de cas que j'ai pu étudier, il y avait beaucoup de problèmes dans la vie des personnes, vie privée. Et c'est sûr que lorsqu'on a un manager toxique ou à du harcèlement, ça ne fait qu'aggraver les choses. Pour vous dire, j'ai été harcelé 2 fois dans ma carrière. D'accord. D'accord. Donc je sais ce que c'est d'être harcelé. Il y en a une où j'ai bien géré, la deuxième un peu moins bien. Mais lorsque je me suis aperçu que j'avais également des problèmes dans ma vie privée. Donc je ne veux pas mettre la responsabilité tout sur l'entreprise. Il faut être très, très précautionneux lorsqu'on utilise le mot burn-out. Maintenant, lorsqu'on parle typiquement de facteurs aggravants, oui, il y a certains problèmes dans des entreprises. Ce qu'on a actuellement, et pour l'avoir vécu, c'est qu'il n'y a pas vraiment de sanctions directes sur les managers harceleurs ou toxiques. On a des lois maintenant, hein, d'accord ? C'est difficile à prouver. Mm-hmm. Mais il faut savoir, si nous voulons retrouver un équilibre et de la confiance en entreprise, lorsque le manager est également, lorsque le harcèlement a été prouvé, il faut savoir sanctionner également le manager. D'accord ? D'accord. Moi, j'ai vécu un cas où le manager a simplement été déplacé de département. D'accord ? Et ça, mm-hmm. c'est pas normal. Donc, je fais très attention au mot burn-out parce que, je vous le dis, j'ai eu des collègues dans ma carrière où, alors je schématise un peu, hein, mais qui se coupaient le doigt avec une feuille de papier et qui étaient 2 semaines en maladie pour burn-out. D'accord. Donc, il faut faire très attention à ça. Le burn-out existe, c'est un fait, mais je crois qu'il faut vraiment en étudier les raisons. Ok. Comme il y a un exemple qu'on a déjà tous entendu parler, j'en suis sûr, l'exemple de France Télécom. Donc ça c'est ce que vous, l'affaire France Télécom, c'est ce que vous appelleriez vous burn-out ou pas du tout? Alors c'était une affaire France Télécom. Je crois qu'il faudra faire du cas par cas. Il y a eu des faits avérés, d'accord. Mm-hmm. Alors qui ont entraîné du burn-out. D'accord. Qui ont entraîné. Et c'est pour ça que je parle de Human, c'est que ce sont des pratiques de management au nom de la rentabilité à court terme qui ont engendré ce système. Je crois que maintenant, on a, alors pour revenir plutôt à des termes, enfin, une société beaucoup plus récente, on a Danone, qui a proposé donc à ses actionnaires d'être une entreprise à mission, où le PDG a dû démissionner parce que les actionnaires voulaient une rentabilité à court terme. Mm-hmm. Human, en fait, ce que veut faire Human, c'est qu'à travers l'humanisation du travail, on puisse recréer un cercle vertueux autour de l'entreprise. Donc, pour les actionnaires, d'accord, je mm-hmm. pense que les actionnaires vont devoir comprendre qu'ils auront beaucoup plus de rentabilité sur le long terme au lieu de broyer sur le court terme, ça j'en suis convaincu. Pour les futurs investisseurs, pour les clients, d'accord, pour les chercheurs d'emploi, pour les fournisseurs, mais également en interne. Il y a beaucoup d'entreprises qui font de bonnes choses en interne. J'en ai rencontré, elles font vraiment de bonnes choses, mais elles communiquent très très mal en interne et même les employés internes ne savent pas que leur entreprise fait de bonnes choses. D'accord. Je pense que par le label Human, on peut offrir donc un cercle vertueux et rendre des termes qui pour moi sont fondamentaux pour l'avenir, qui sont des termes de respect, dignité et valorisation du salarié. Ce sont des termes qu'on doit pouvoir réintégrer en entreprise. Je me rappelle dans les années 60, on était fiers de travailler pour Peugeot. Et mmh. je crois que maintenant, on peut avoir des employés, les meilleurs ambassadeurs d'une entreprise, ce sont ses salariés. Hein. Et lorsqu'à la maison, on rentre et on est fier de travailler pour X ou Y, eh ben on rayonne. Mm-hmm. On rayonne. Et ce n'est pas forcément travailler pour des GAFAM qu'on peut être fier. Attendez, des salariés peuvent être très fiers de travailler pour des GAFAM. Attention, hein, je ne fais pas de différenciation. Mais je pense qu'on peut être fier de travailler pour des entreprises vosgiennes également. Bien sûr. Donc, avant de poursuivre, je vous propose que nous nous lancions tout de suite dans une deuxième fréquence et que nous écoutions une autre chanson que vous avez choisie, la célèbre chanson, et pourtant du non moins célèbre Charles Aznavour. Donc, on écoute ce tube, car je pense qu'on peut dire directement que c'est un tube. Et du coup, on écoute Charles Aznavour et on se retrouve juste après, d'ici un peu moins de 3 minutes. Donc, à tout de suite sur Radio Gemozo. Un bon matin, je sais que je m'éveillerai différemment de tous les autres jours. Et mon cœur délivré enfin de notre amour. Et pourtant, sans un remords, sans un regret, je partirai droit devant moi, sans espoir de retour. Loin des yeux, loin du cœur, j'oublierai pour toujours. Et ton corps, et tes bras, et ta voix, mon amour. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, j'arracherai sans une larme, sans un cri, les liens secrets qui déchirent ma peau. Me libérant de toi pour trouver le repos. Et pourtant, je marcherai vers d'autres cieux, d'autres pays, en oubliant la cruelle froideur. Les mains pleines d'amour, j'offrirai au bonheur, et les jours, et les nuits, et la vie de mon cœur. Bien que je retrouve ma raison, mon insouciance et mes élans de joie, que je parte à jamais pour échapper à toi. Et pourtant, dans d'autres bras, quand j'oublierai jusqu'à ton nom, quand je pourrai repenser l'avenir, tu deviendras pour moi qu'un lointain souvenir, quand mon mal et ma peur et mes pleurs vont finir. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo ou sur nos applications Radio Line et Orange Radio. Il est 14h44, vous venez d'écouter Charles Aznavour et sa célèbre chanson « Et pourtant ». Nous sommes toujours en compagnie de Aurélien Herkel qui est venu nous parler de son label et de son ouvrage aussi « Human ». Ça va toujours ? La vie est belle. Nickel. Donc, même question que pour la première fréquence. Pourquoi avoir choisi cette célèbre chanson de Charles Aznavour ? Alors, je crois qu'elle évoque... un message d'espoir et d'amour, et c'est ce qui nous fait marcher. Je l'écoute tous les matins, donc avec aussi Marvin Gaye, la prochaine qu'on écoutera tout à l'heure. Je crois que c'est une chanson qui m'a porté dans mes moments où, voilà, on vit tous des périodes difficiles dans nos vies, et je crois que la musique, quelquefois, nous amène beaucoup d'espoir, et cette chanson-là amène beaucoup d'espoir. D'accord. Donc, pour reparler un petit peu du nom de votre label, Human, c'est non seulement un jeu de mots, comme nous le disions tout à l'heure, mais vous en faites également un acronyme. H pour harmoniser les relations entre employés et management, U pour unir humanisme et performance, M pour maintenir la confiance en sa réussite dans une perspective de croissance à long terme, A pour anticiper les challenges de demain, et N pour nourrir une image humaine de l'organisation. On retrouve ici vraiment tous les fondamentaux, tous les objectifs de votre label. Oui, tout à fait. Je pense que l'avenir du libéralisme, c'est l'humanisme. Quand certains essayent de nous dire, encore une fois, de revenir en arrière. Non, on ne pourra pas revenir en arrière. Mais maintenant, je pense qu'on peut humaniser le capitalisme. J'en suis convaincu, mais par des actes concrets. En même temps, on me dit « oui, mais c'est du marketing ». Mais j'ai aucun souci avec ce qu'une entreprise ou une organisation puisse nourrir une image humaine sur le marché, parce qu'avec Human, elle devra appliquer les principes Human. Ce n'est pas juste du cosmétique. Donc, mais vous savez, on est dans une période de communication. Maintenant, on doit revenir dans une période de communication cosmétique, réelle. C'est ça. D'accord. OK. De plus, la devise de Human, ou une des devises, est, je cite à nouveau, « le talent est important, la passion primordiale, l'entourage crucial ». Fin de citation. Et vous mettez même en valeur une phrase du célèbre mathématicien Isaac Newton. Je cite « les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts ». Donc, fin de citation. Donc, même si Newton est un mathématicien, du XVIIe, XVIIIe siècle, on remarque que les problèmes, les barrières ont toujours été présentes. Oui, mais c'est vraiment ça. Lorsque construire des ponts, c'est aussi entre le management et les équipes. On s'aperçoit qu'actuellement, des entreprises, la communication entre les deux, elle est, dans certaines entreprises, attention, hein, elle est distante, elle est même quelquefois inexistante, et les problèmes arrivent à ce niveau-là. Maintenant, quant au slogan de Human, je le mets à l'échelle de l'entreprise, mais vous savez, je l'ai créé pour moi-même dans la sphère privée. Donc, il est applicable au sein de l'organisation, mais vous pouvez l'appliquer également sur vous-même. Le talent est important, la passion primordiale, l'entourage crucial. Pourquoi ? C'est parce qu'avec le talent, on crée, d'accord ? Mm-hmm. Et je pense que tout le monde a un talent. Avec la passion, on avance. C'est ça qui va nous faire lever tous les matins pour réussir. Bien sûr. Mais si vous entourez des mauvaises personnes, vous n'arriverez jamais nulle part. Donc, vous pouvez l'appliquer dans votre entreprise, mais également dans votre vie privée. Oui, donc c'est vraiment un tout. C'est un tout. Human est un tout. Ok. D'ailleurs, comme nous le disons tout à l'heure, pour bénéficier de ce label Human, il faut que l'entreprise, que l'organisation mette en œuvre plusieurs principes. Il y en a 10, c'est ça ? Alors, il y a 10, l'entreprise ou l'organisation devra choisir 5 principes sur les 10 proposés, oui. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut citer les 10 proposés ou pas ? Oui, bien sûr. Donc, le premier principe, connaître ses équipes. Le deuxième, performance humaine. Le troisième, faire la différence. Le quatrième, grandir ensemble. Le cinquième, on reçoit ce que l'on donne. Le sixième, partager ses expériences positives. Le septième, la parité compte. Le huitième, l'égalité paye. Le neuvième, une chance pour tous. Et le dixième, investir dans l'humain. On constate ici, en effet, comme nous le disons tout à l'heure, une véritable stratégie gagnant-gagnant, comme on pourrait le dire. Oui, tout à fait. J'en reviens à une question d'équilibre. Dans certains principes, il y a une part de travail du management, d'accord ? Et dans certains, une responsabilisation du salarié. Ce n'est que comme ça qu'on pourra y arriver lorsque les deux tendent vers le même objectif. D'accord. L'objectif de croissance. Et je reviens à l'ouvrage que j'ai écrit, Promesse d'une croissance réussie. Quand certains verront une croissance économique, d'autres y verront une croissance humaine. Je pense que les deux sont liés. Ok. En faisant mes recherches, j'ai lu une phrase qui m'a beaucoup parlé et que beaucoup de gens connaissent, je pense. C'est, je cite, « peindre une deux chevaux en rouge, on n'a jamais fait une Ferrari ». Et fin de citation. Et avant d'enchaîner sur une autre phrase, une autre citation, je cite à nouveau, « une couche de bonheur au travail ne remplacera jamais les valeurs et la culture d'une entreprise dynamique centrée à la fois sur ses objectifs, et sur l'épanouissement de ses collaborateurs ». Fin de citation. Est-ce que cette phrase, ce petit passage, résume vos motivations quand vous aviez créé le label Human ? Oui, exactement. Ce que je vous l'ai dit, hein, 2012-2013, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est souffrance au travail. Donc, on invente beaucoup de mots. Hein. Maintenant, j'ai encore vu aujourd'hui ressources humaines. Donc, ça a été transformé en richesses humaines. Et j'ai encore vu un article aujourd'hui où maintenant, richesses hybrides. On invente des termes, on invente des termes pour faire croire qu'on fait que, mais en fin de compte, on ne fait rien du tout. Donc, il faut bien comprendre ça. On a des termes qui s'appellent ressources humaines. Appliquons déjà ressources humaines, ce sera déjà bien, au lieu de retrouver des termes. Donc, je pense qu'en faisant du cosmétique, on ne fait qu'aggraver la situation, notamment en incorporant des termes comme bonheur au travail. J'ai eu des entreprises où des salariés allaient négocier leur salaire leur package de licenciement avec leur responsable du bonheur au travail. Non, mais c'est complètement antinomique. Je crois que, comme je vous le dis, hein, on a des directeurs des ressources humaines. On n'a pas besoin d'avoir de responsable du bonheur au travail. En plus, actuellement, avec la crise du Covid et le télétravail, je me demande où les responsables du bonheur au travail sont. Mais ça reste mon point de vue. Hein. Je sais que je fais quelques débats, des fois, en privé, avec certaines personnes. Pour moi, je crois que c'est d'autant plus... c'est non productif. Et je crois qu'il va y avoir également un ménage qui va se faire à la suite du Covid au niveau des chief happiness officers, des responsables du bonheur au travail. Comme je le dis, c'est pas parce qu'on peint deux chevaux en rouge que ça devient Ferrari. Et ça va être totalement contre-productif. On va promettre le bonheur aux salariés. Mais vous savez, Human, j'en reviens à ça, n'interviendra jamais dans les finances d'entreprise. Ce n'est pas à Human d'interdire aux entreprises de licencier ou de délocaliser. C'est pas mon rôle. Par contre, le rôle de Human, c'est de faire en sorte qu'une fois que l'entreprise a le label, qu'elle puisse réfléchir à deux fois. Lorsqu'on a une entreprise qui est performante, on a une baisse du taux d'absentéisme, une baisse du taux de rotation. Alors dans ce cas, pourquoi délocaliser? Pourquoi licencier? L'entreprise fonctionne. Mm-hmm. Ça, c'est le but de Human. Mais je me porterai toujours en porte-à-faux contre les messagers du bonheur. Ok. Il est 14h51, déjà, ça passe vraiment vite. Donc avant de conclure cette émission, je vous propose de nous lancer dans une dernière fréquence que vous avez choisi à nouveau, une chanson que j'aime bien aussi personnellement, Tom Jones, et son titre que je pense que tout le monde a déjà entendu au moins une fois, It's Not Unusual. Excusez-moi, mon accent est pas super top. Donc on écoute Tom Jones et on se retrouve d'ici 2 minutes. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you wanna do. J'adore cette chanson. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo, 107FM ou sur nos applications Radio Line et Orange Radio. Vous venez d'écouter Tom Jones et sa célèbre chanson It's Not Unusual. Nous sommes toujours en compagnie de Aurélien Erkiel qui est venu nous parler de son label Human. La vie est toujours belle ? Ah, la vie est toujours belle, surtout après Tom Jones. C'est vrai. Avant de reprendre, j'avais envie de vous partager, à vous Aurélien, mais aussi à nos auditrices et nos auditeurs, une petite anecdote sur cette chanson It's Not Unusual de Tom Jones. Est-ce que vous saviez qu'à l'époque, en 1965, quand cette chanson est sortie, Tom Jones a interprété du coup cette chanson, mais qu'il était alors inconnu ? Je ne savais pas. Et ben voilà. Comme quoi, il faut toujours croire en ses rêves. Et maintenant, tout le monde connaît le nom de Tom Jones. Oui, et puis à travers les générations. C'est bien sûr. Croire en ses rêves, le talent est important, la passion primordiale, toujours croire en ses rêves et se donner les moyens d'y arriver. Et après, le facteur chance, c'est rencontrer les bonnes personnes. Oui, c'est ça. Donc, il est 14h55, déjà. Nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que nous n'aurions pas abordé, mais qui mériterait absolument de l'être ? Mais je reviens sur le message d'espoir. Nous vivons actuellement en France, bon, certes, dans certains pays du monde aussi, mais parce que voilà, je suis actuellement en France, une morosité sociétale. Et je peux l'entendre, mais je crois qu'elle n'est pas déjà définitive et on pourra s'en sortir qu'à partir du moment où on a un message d'espoir individuel. Il ne faudra, comme je dis toujours, pas tout attendre de l'État dans les années à venir. Je pense que d'ici 2022, on va connaître une croissance économique exponentielle et ultra rapide, où il faudra, pour ceux qui suivent le rythme, ce sera beaucoup plus rapide, comme je vous l'ai dit, hein, je dis ça en conférence aussi, lorsqu'un contrat devra être signé entre la France et le Japon, on n'aura pas besoin de faire un vol de X heures pour aller au Japon, ça se fera de manière digitale. Donc la réponse devra être beaucoup plus rapide. Donc il faudra s'adapter très rapidement. Et je pense que l'adaptation sera un facteur clé en termes de croissance économique, mais également croissance individuelle. Je crois vraiment que l'avenir qu'on se crée, on se le crée nous-mêmes. Et on crée nos propres chances. Donc je voudrais vraiment que nos auditeurs, nos auditrices pensent que rien n'est figé dans la vie à partir du moment où nous on le veut. Ok, donc c'est vraiment ça le message que vous voulez passer en cette fin d'émission. Oui, et je veux le symboliser, comme je vous l'ai dit, je répète encore, on peut venir d'Épinal, sans diplôme, sans réseau, avoir un projet et donner toute son existence à ce projet-là et y arriver. Le succès que vous allez avoir dans votre vie sera proportionnel au sacrifice que vous allez faire pour atteindre vos objectifs. Ok, donc le message est passé, je pense. Donc il va être dans quelques secondes 14h57. C'est donc ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Je remercie une nouvelle fois Aurélien Herkel d'avoir accepté notre invitation. Cette émission sera rediffusée demain, jeudi, à 18h, avec le podcast dans la journée. Je vous l'enverrai. Je voudrais déjà vous remercier avant de clôturer. Je voudrais vous remercier donc pour votre invitation, mais également aux éditeurs et aux auditrices qui sont restés avec nous jusqu'à cette heure. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Gemozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. Quant à nous, nous nous retrouvons lundi à 14h, toujours en direct pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai Lisbonne, chanteur et artiste, et toujours bien sûr lundi matin à 8h et 13h30 pour ma chronique La Christoire des auteurs, dans laquelle nous voyagerons au travers de la vie et de l'œuvre de Guillaume Musso, le célèbre écrivain Guillaume Musso. Et donc, en attendant, je vous laisse en musique d'ici une trentaine de secondes avec Roseau et Aloe Black et leur titre Walking on the Moon, avant la rediffusion de l'édition de Fréquence Libre d'hier, dans laquelle je recevais Antoine Villoutret, chanteur. Donc, merci encore Aurélien d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous, auditrices et auditeurs, de votre fidélité à Radio Gemozo. Et je vous dis à lundi. Donc salut et à lundi. Au revoir.